pour parler de football avec notre ami Serge Bouchard. Salut Serge. Salut Danny. Serge, les Faucons Barrettes de Chibougamau jouaient deux matchs en fin de semaine, jouaient Juvénile et Cadet. Au niveau Benjamin, victoire de 26 à 8 contre Charles Gravel. Ouais, c'est ça. C'était un match où on savait pas trop à quoi s'attendre. C'était le premier match de la saison. Dans le Benjamin, ben c'est certain que secondaire 1, il commence. On n'a pas de mini football, donc on y allait en se disant, ben on va voir à quoi on est rendu à ce début de saison. Je dirais que à la demi, c'était 13 à 8, donc c'était quand même un match relativement serré. Des petites erreurs de part et d'autre, étant donné que c'est des jeunes qui ont un faible niveau d'expérience. Et ben, qui nous a sauvés un peu, je pense, c'est oui, notre défensive, mais notre porteur de ballon, là, qui à ce niveau-là, quand un joueur qui domine un petit peu plus, capable de changer de match, là, donc ça étant sa première expérience là comme porteur de ballon. C'est un joueur qu'on avait mis là parce que nos deux porteurs de ballon maintenant sont rendus au niveau du VTL, donc c'est un nouveau défi pour lui. Puis Tommy Vallière a été bon. OK, donc Tommy Vallière, quatre touchés. C'est un porteur de ballon, ça? Ouais, c'est ça, c'est un porteur de ballon, mais qui l'an passé en secondaire 1 jouait à la défensive, OK. le premier défensif. Là, cette année, ben on le transforme en porteur de ballon, là, comme je disais, OK. parce que le porteur de ballon n'a pas rendu. OK. Et dans l'autre match, bah, ça a été une belle victoire du Sucre Nouveau Juvénile, 27 à 13. C'est ça, ça a été encore là un match très serré, là. Nous, les Cyclones, habituellement, on se donne des matchs assez serrés. Donc, on a bien exécuté. On ne savait plus jouer des tours. On s'est fait refuser deux touchés sur des punitions. Donc, c'est sûr qu'à la fin du match, ça aurait pu être un facteur important, mais ça reste que ça a été un match qui a été serré pour une grande partie là, de la rencontre. On n'y avait pas beaucoup quand même d'espace sur le terrain. On avait dit là, c'est quand même deux bonnes équipes. À un moment donné, on a réussi à capitaliser, ce qui fait en sorte que on a réussi à sauver avec le pouvoir, là, mais c'était pas du tout le même genre de match que la semaine d'avant, là, où on avait joué contre 17 îles. Je dirais que Charles Gravel ont une bonne équipe, une très bonne équipe. Ils vont continuer à s'améliorer. Donc, de notre côté, là, faut continuer aussi là, tout au long de la saison à s'améliorer parce que des bonnes chances qu'on les retrouve en série. OK. Donc, les séries, comment ça fonctionne, hein? Ben, on est quatre équipes, là, étant donné le retrait de Lepau. Donc, on va avoir une demi-finale, la première place contre la quatrième et la deuxième place contre la troisième. Ensuite, il va y avoir une finale et le gagnant de la finale régionale va aller jouer une finale interrégionale contre une autre région du Québec. OK. Donc, as-tu des bonnes chances d'atteindre les finales? Oui, je veux dire, là, présentement, on est premier au classement, on a des bonnes chances, mais c'est ça, d'atteindre la finale régionale, je pense que ça fait ça, ben, on verra pour la suite, là, pour la finale interrégionale, mais oui, notre objectif, notre plan, c'était d'atteindre la finale régionale, là, à remporter, mais il reste encore beaucoup de temps, pas beaucoup de matchs quand même, il nous reste un match de saison régulière, et deux matchs de série si on atteint la finale. Là. Donc, c'est ce qui est difficile présentement, là, comme là, on joue juste dans le juvénile pour le 15 octobre. C'est de la préparation, mais en même temps, quand il n'y a pas de match la fin de semaine, les joueurs sont un peu moins motivés là, aux pratiques, ils ont moins d'énergie. Donc, mais on travaille ça là, pour se rendre le plus loin possible en série. OK. Donc, en fin de semaine, maintenant. Ben c'est ça, en fait, cette semaine, y aura pas de match parce que les deux équipes OK. là, qui ont désisté, celle du Benjamin et celle du Juvénile, c'était en fin de semaine contre OK. Weton. Donc, nous, notre prochain match Benjamin va aller au 5 octobre, jeudi le 5 octobre, contre les Mustangs à Dominique-Racine. On va jouer en soirée là, à 18h. Et notre prochain match juvénile va aller contre les Centurions de Saint-Félicien à Saint-Félicien le 15 octobre. OK. Ben Serge, un gros, gros merci. On se reparle dans 2 semaines, tu sais. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de match, on ne s'en parlera pas. Parfait, Danny. L'instructeur des Faucons Barrettes de Chibougamau, Serge Bouchard.